rencontré, tu n'étais qu'une enfant. Tu n'avais pas 20 ans. Oh, oh, oh, oh. Tu m'as tout donné de ton cœur, la chaleur. Mais un jour, un beau jour, tu m'as dit à nous, pas touche. C'était ta dernière cartouche. Je laisse là mes babouches. Loin moi les nuits au bain douche. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Je t'ai regardé, je n'ai pas résisté à l'envie de t'aimer. Hey, hey, hey. J'étais amoureux du soleil de tes yeux. Mais un jour, un beau jour, tu m'as dit allô, pas touche. C'était ta dernière cartouche. Je laisse là mes babouches. Moi les nuits.